Bonsoir à tous, nous sommes mardi 14 juillet, fête nationale. Ce soir, il va y avoir cette musique, c'est une émission très spéciale. En plus, c'est la dernière musique que je fais et il est actuellement 21h. Nous serons ensemble jusqu'à à peu près 22h, je dirais, même clairement, moi, je dirais 21h30. Bon, et comme je vous l'ai dit, c'est la dernière émission, c'est la série de la suite, mais aussi la dernière émission de moi, de l'animateur commentateur sur Fadjet, dans le nouvel explorateur. Et malheureusement, l'exposition sur la main de la Belgique et les Big Bang n'aura pas lieu. Pour ce qui est du magazine, je ne sais pas, mais nous écouterons durant cette émission énormément de musique, comme je vous l'ai dit. C'est cette musique. Il y aura d'abord des musiques anglaises, allemandes, serbes, et ensuite des musiques françaises. Et bien sûr, au cours d'émission, il y aura une description d'une ville suisse qui est, je vous le donne en mille, qui est Zurich. Mais ça sera quand même une description approfondie. Donc on commence maintenant, on n'a pas de temps à perdre. C'est, on commence par Rockwell, c'est Somebody's Watching Me, Charles Fadjet dans le nouvel Explorateur. C'était Rockwell pour Somebody's Watching Me sur Fadjet dans le nouvel Explorateur. Et maintenant, nous débutons avec Michael Jackson. Michael Jackson pour Billie Jean, c'est maintenant sur Fadjet dans le nouvel Explorateur. Et après, nous aurons une brève description de la ville de Zurich. Mais cette description sera au fur et à mesure de l'émission. Allez, maintenant Michael Jackson pour Billie Jean. Dance. C'était Michael Jackson pour Billie Jean sur Radio Padgett dans le Nouvel Explorateur. On va dès à présent voir la ville de Zurich en Suisse. Ville cosmopolite au bord de l'eau, Zurich marie vie urbaine créative à un éclat de nature merveilleuse, d'innombrables événements, des musées les plus diversifiés et un food festival propre font vibrer la ville d'une extraordinaire énergie de nuit comme de jour. Et pour des moments de détente, les montagnes suisses sont à moins d'une heure de route. Que peut-on faire en Suisse? Il y a la vieille ville de Zurich, la plus forte densité de clubs de Suisse, une célèbre rue commerçante, une large offre culturelle, et tout cela dans un cadre médiéval. La vieille ville de Zurich est un creuset culturel, social et historique. Il y a aussi le lac de Zurich. Le lac de Zurich a la forme incurvée, presque comme une banane, et bordé sur sa rive méridionale par le paysage vallonné d'Albis et Zeberberg, et sur sa rive septentrionale par la chaîne du Pfnanenziel, est confié au canton de Zurich, de Saint-Gall et de Suisse. Zurich, la plus grande ville suisse, est située à son extrémité occidentale. Il y a aussi l'Oetliberg, montagne emblématique de Zurich, vue sur la ville de Zurich, les Alpes glaronnaises, la Suisse centrale et une partie du moyen pays sont encore mieux du haut de la tour panoramique de l'Oetliberg, accès libre. Il y a aussi le zoo de Zurich, situé sur le Zurgberg. Le zoo abrite 340 espèces dans des espaces très proches de leur habitat naturel. Près de 4000 animaux se présentent comme les ambassadeurs de leurs congénères vivant à l'état sauvage. Le zoo de Zurich est un centre de protection de la nature qui s'engage dans le programme d'élevage international et dans des projets de réintroduction. Allez, on part maintenant pour l'Allemagne avec Bonnet MC, Rafka Mora et Maxwell pour All the Man Team sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Weil alle Jungs müssen mit. Ein bisschen Sex für die Mädels und auf 100 ein Fick. Hey, Gesetz, keine Regeln, lass uns Kohle verdienen. Weil so lässt es sich leben und niemals ohne mein Team. Ich schließe die Tür des Apartments, wenn die Party komplett ist. Monika, Sarah, Berlin, davon Instagram auf meine Guestlist. Menthol in der Kippe, Soda im Drink. Die Chick will, dass ich für sie so lala sing. Sie will mich intim. Ich kooperiere nicht ohne mein Team. Die Sonne scheint durch die Gardine. Hautfarbe Ovo Maltine. Kokain in der Kabine zu zweit. Der Tod hat die Todespapiere verteilt. All meine Arabs sind heute Latino. Chica que pase, die Boys sind Amigos. Sie best mit den Joint, lass die Homies dran ziehen. Gesmoked wird nie ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Hamburg, Berlin, West Wien. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Tritte nicht auf, nicht ohne mein Team. Keiner hier nimmt uns die Philosophie. Alles betäubt, Lidocain. Frag nicht, wie viel ich am Kilo verdiene. Ein Chick in der Linken, ein Chick in der Rechten. Wir sehen uns beim Echo, Liste vom Maxwell. Bring mir den Rum, eine Kiste vom Besten. Brauch ein Hotel, Baby, ficken im Best. Das ist heute passiert, wenn morgen verdrängt. Lass mich am Strand von der Sonne verbrennen. Sie kommen mit den Kosten, ich komm mit der Gang. In Sachen Gewalt sind wir zu konsequent. Alle aus Ghana sind heute Brasilianer. Prinz Boateng von der Copacabana. Koma, sein Vater, die Drogen sind clean. Alle wollen mich um, ohne bedient. Doch nie ohne mein Team. C'était Bonnet MC et Rafka Mora fait Maxwell pour On Est Mal Team sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et nous retournons à Zurich en Suisse. Il y a le Kunsthaus Zurich. Le Kunsthaus de Zurich abrite la plus importante collection d'art moderne de la ville. Il est réputé aussi pour Il est réputé aussi bien pour son exposition permanente que pour ses expositions temporaires. Outre des œuvres d'Alberto Giacometti, on y trouve d'importants tableaux de Picasso, Monet et Chagall, ainsi que de nombreux artistes sud contemporains. À Zurich, il y a aussi le Musée national de Zurich. Avec ce nouveau bâtiment impressionnant, le Musée national de Zurich s'est doté d'une extension moderne. Musée national de Zurich accueille la plus grande collection d'objets d'intérêt historique culturel de Suisse. Derrière ces musées plus que centenaires, le passé reprend vie. On y trouve comment les générations précédentes vivaient, pensaient et ce qu'elles ressentaient. Il y a aussi le Niederdorf. Le Niederdorf est un quartier ancien et mythique, surnommé Dorfli, petit village. Et il y a aussi le musée de la FIFA à Zurich. Le musée du football mondial de la FIFA rend un bel hommage au sport collectif le plus populaire au monde. Le musée retrace l'histoire passionnante du football international ainsi que son développement en revenant sur les grands tournois et en montrant de quelle façon le football influence et enrichit même la vie de monsieur tout le monde. Il y a aussi l'église Frohmünster. L'église Frohmünster est située sur la rive ouest de la Limmatquai. Constitué avec son clocher verdâtre, l'un des emblèmes de Zurich, les vitraux de Marc Chagall et Augusto Giacometti sont particulièrement célèbres. Que faire à Zurich aussi? Il y a le casino de Zurich, ça je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un casino. Il y a aussi le Rapperswil-Jona. Rapperswil-Jona, la ville des roses sur le lac de Zurich et la commune limitrophe de Jona. Vous voyez au sport et aux loisirs, à les curiosités touristiques, vie culturelle, randonnée, activités sportives, à une ambiance de vacances méditerranéennes. Bienvenue à la rivière sur le lac de Zurich. Que faire à Zurich aussi? Et à la Bahnhofstrasse. Cette rue mythique reliant la gare centrale au lac est l'une des artères commerçantes les plus réputées au monde. Et puisque aujourd'hui c'est la fête nationale du 14 juillet, nous allons aller dans le Grand Est. Mais quand je dis nous allons aller, c'est juste à la radio, pas sur le terrain. Mais nous allons voir au moins 5, 6, 7 villes du Grand Est. Et nous allons en faire une description, une courte description. Et maintenant, il est temps de passer à la prochaine musique. La prochaine musique, c'est Noisy, feat. Raf Camora pour Toto, sur Radio Padgett dans le Nouvel Explorateur. Priori, o bori mush me Lambos Ferrari. Slow, slow, slow, dancing me darling. Compare, dancing me darling. Slow, slow, slow, wine for me darling. Can I party, wine for me darling. Duro e da bak, s'kan di ku e solo e da van. Duro e da bak, s'kan di ku qëtë atin e privan. Go wine for me girl, thiri so qëtë blot ka la la. Go wine for me girl, thiri so qëtë mu bërë la ka. Se di ku jo vë, se di ku jo vë. Zeig was sie hat. Ich ruf sie an und sie bleibt über Nacht. Kein Foto, kein einziger Snap. Alles zwischen uns bleibt privat. Noisy Era, Vitos, Togo. Egal welche Chai, Bruder, sie gibt Dodo. Trakorbo, kein Yamamoto. Früher Nada, heute Dodo. Sie ist materialistisch, sieht nur mein Geld und die Black Maserati. Ist für mich okay, dennoch ich will nur Sex, also halb so dramatisch. Sie ist einsam, ja, sie geht mit Toto. Sie geht auf und ab wie Gogo. Ich spiele mit dir, yo yo. Se di curovo, se di curovo, la na na. Se di curovo, se di curovo, la na na. She give me toto, she give me toto, ya ya ya. She give me toto, she give me toto, ya ya ya. Se di curovo, se di curovo, la na na. Yo se di curovo, se di curovo, la na na. She give me toto, she give me toto, ya ya ya. Perfekt, ey. Du guckst dir nach und du brichst dir den Hals. Se di curovo, la na na. Se di curovo, la na na. Se di curovo, la na na. Se di curovo, la na na. C'était Nozzy, c'est Traf Camora pour Toto sur le Padjet dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, nous allons nous rendre à Reims pour voir ce qu'il y a à faire à Reims. À Reims, il y a la cathédrale Notre-Dame, il y a le Palais du Tour, le musée Saint-Rémy, la basilique Saint-Rémy. Et maintenant, nous nous rendons à Metz. À Metz, il y a le centre Pompidou, la cathédrale, le musée de la Cour d'Or, la porte des Allemands. Il y a aussi le Temple Neuf, mais ce n'est pas tout. Et maintenant, nous allons nous rendre à la prochaine musique de l'émission qui est Thea Terlovic, fait Saban Cholic, pour Oscar TBS Nam sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Ti si lepa, najlepša u gradu I svi bi htjeli da te ukradu U srce gađaš kad ritam krene Pa deset i neka teče ti kroz vene Ti si kralj ovih noći Bez tebe provod ne može proći Tamo gde svratiš, ludilo krene A samo ja znam da si tu zbog mene Od kad tebe znam, tuga me neće U tvom je ključ od naše sreće Od kad tebe znam, neće me tuga U tebi imam ljubav, u tebi imam Da su ti blizu, svima si prva želja u nizu Ali ti svojim životom živiš Svoj pet minuta ti bi da proživiš I ti si kralj u svakoj priči I baš ti jedna na tvoju ne liči Za tebe kažu, legenda živa Što si noćas ovde, ja sam za to kriva Od kad tebe znam, tuga me neće U tvom je ključ od naše sreće Od kad tebe znam, neće me tuga U tebi imam ljubav, u tebi imam druga C'était Thea Terlovic, fait Saban Cholic pour Oscar TBS Nam sur Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, nous allons nous rendre à Troyes. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Troyes? Il y a la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul, il y a aussi le musée d'art moderne, il y a la maison de l'outil, et de la pensée d'ouvrière, il y a la basilique Saint-Urbain, il y a l'église Sainte-Madeleine, maintenant nous nous rendons à Gérardmer, il y a le lac de Gérardmer, il y a, vous pouvez y faire du ski à Gérardmer, il y a la cascade de Merel, et aussi la chute d'eau du saut de la Bourrique, il y a aussi un parc à Acrosphère. Et maintenant, avant de démarrer pour la prochaine musique, qui cette fois-ci est française. J'ai quand même rajouté un supplément à la fin de l'émission. Vous verrez, restez-y. Disons que ça va être là dans une quinzaine de minutes. Et maintenant, c'est Ella pour Pas d'ici sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Bon 14 juillet. Je suis pas d'ici. J'aime bien Paris, mais souvent je lutte quand ça tire la gueule. Souris. C'est vrai qu'ici. T'as pas le temps de causer aux gens, même quand t'es seul. Oublie. Elle est où la mer? Mon sel de Provence et les gens qui ne font pas de manière. J'ai laissé derrière mes amis d'enfance et les airs que me jouait mon père. Sur le pavé, je veux mouiller. Dans l'été je tire la gueule. Souris. C'est vrai qu'ici, t'as pas le temps de prendre le temps, vie en puzzle. J'entends plus la mer, l'accent qui chante et le mistral qui défie les nerfs. J'ai laissé derrière mes années de flemme, à Paris j'ai toujours à faire. Et là, pour pas d'ici, sur le Podjet, dans le nouvel explorateur. Et maintenant, partons à Verdun. À Verdun, il y a la citadelle souterraine, et aussi la cathédrale Notre-Dame, et il y a le mémorial de Verdun, qui est situé sur un champ de bataille. Il y a l'ossuaire de Douaumont, il y a le centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Allez, maintenant, partons à La Bresse, qui est une ville du nord-est de la France, près de la frontière allemande. Que faire à La Bresse? Il y a des stations de ski, il y a des lacs, il y a la montagne des lamas. Et puis, c'est à peu près tout. Ensuite, que faire maintenant? Et bien maintenant, on va écouter une musique française. Mais c'est clair que celle-là, vous la connaissez. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Et puisque nous sommes le 14 juillet, il est temps de ressortir cette musique. Elle a deviné c'est quelle musique, juste comme ça. Alors d'abord on entend un réveil, ensuite on voit quelqu'un qui est dans son lit, puis oh vous savez, je vais vous laisser cette musique, c'est Fatal Bazooka avec Bigali, PZK, Doc Soso et DJ Chris Pulse. C'est ce matin va être une pure soirée, maintenant. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Que ce soit déjà fini. Je suis toujours au chaud. Je suis toujours down. Toujours en rut. Une question me turlute. Pourquoi attendre le samedi? Je préfère le party party. Sans d'être au VIP la nuit. Tous les chats sont au pop. Chape l'iPhone. Le Blackberry. Je peux BM. Même à ma mère. RTV boulangerie 10h du matin. C'est parti pour le party. Pour le party. Fatal? Ouais? Je vais pas pouvoir venir faire la teuf. Mon grand-père vient de mourir. Yeah! Un enterrement! On arrive! Vas-y, DJ, fais C'était Fata Bazooka avec Big Ali, PZK, Doc Soso et DJ Chris Pross pour ce matin être une pure soirée sur Radio Fadjet dans le nouvel explorateur. Et maintenant, allons à Charleville-Mézières. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Charleville-Mézières? Il y a la place Ducal, le musée Arthur Rabault, le musée de l'Ardenne, la basilique Notre-Dame d'Espérance de Charleville-Mézières et aussi le parc du Mont Olympe. Maintenant, partout à Châlons-en-Champagne, il y a la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne, l'église collégiale catholique Notre-Dame-de-Vaux, et aussi le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, et aussi le Grand Jard. Et maintenant, partons pour la prochaine musique de l'émission, qui est celle-ci, vous la connaissez aussi, vous n'avez pas vu passer à côté, mais elle est sortie 2 ans plus tard que la dernière musique. C'est la section d'assaut pour Watty House, sur Radio Padjet, dans le Nouvel Explorateur. Murder, l'inspi provient de murder. Ça m'a tout l'air d'un heurdop. Ramène mon verre de soda. Appelle-moi Docteur Guero. De speaker Maguero. Paris, ça devient Soweto. Va falloir se lever tôt, veto, veto, veto. Merde, tu t'es mis dans la merde. T'aurais pas dû faire le nerveux. On va te monter en l'air. Arrête ton numéro. On s'improvise pas héros. J'kick même sur de l'électro. Appelle-moi Doré. J'en place une spéciale pour nos ennemis. Venez, venez nous voir sur scène. À tous ceux qui étaient présents au Zénith, on vous aime. Toujours entouré de mes associés. Baraqué le blanc pour me saucer. 4-4 catapulté vers le sommet. Système solaire. FN d'or. J'suis devant la porte avec mes rouilles à Harry. Open the door. C'est nous on fait du bruit pendant que le FN d'or. J'suis devant la porte avec mes rouilles à Harry. Open the door. Bellis, Otiek, son manque de réalisme. Moi dans ma tête c'est l'Afrique. J'vois bien tout noir au Mali. Vas-y Harry, fais kiffer ta nique qui sage. Mon lui, dis-lui qu'elle a le plus beau des visages. Vas-y, mets du son, mets du swag, mets du tout. Ici c'est danse obligatoire, minimum les petits. Bordel, comme dit le boss, y'a des problèmes. Autant qu'un Paris low. Faut que je me tèche du haut de la Guapa, te quiero. C'était The Six Love Soap Wacky House sur le projet dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, partons à Thionville. À Thionville, il y a le musée de la Tour aux Puces, il y a le Jardin des Traces, il y a le Château de la Grange, il y a aussi le parc du Haut-Fourneau U4. Maintenant, partons à Vittel. À Vittel, il y a le musée du patrimoine et du thermalisme, et aussi le château de Sandaucourt. Il y a l'église de Notre-Dame de Relange. Maintenant, partons pour la prochaine musique de l'émission, qui est la section d'assaut pour What You By Night sur le budget dans le Nouvel Explorateur. Maintenant, et nous sommes encore le 14 juillet, toujours, et bonne fête à tous. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir, pour quelques billets de sang, ça part en gilet de sang. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ce soir, c'est moi qui paye d'un coup, pas au parking de la boîte, toute heure de blague, 9-1-9-2-9-3-9-4, tout Beris et Al, Gorton sous H, sauf pas je sous flash, et oh, Platinia HQ, hey. Mais y'a même les gens du 7-7, Wati Bronx, soit jamais quand tu veux on remet ça. Des ghost tab, un tissage vol. Pendant que mon gars Jerry se met bien sous alcool. Moi je danse le Mia dès que ça sonne un peu funky. Si elle me demande si j'ai le mi-père, je lui réponds cash. Fuck you! Et c'est souvent sur un bête de son que souvent dans la te voit y'a une grosse flaque de sort. J'ai vu une tape pas partir au ralenti. Ça s'insulte, ça se bouscule, ça zappe la galanterie. Et mon gars sur son tab, lui est dans ses bails. Attends, non, tu crois que Dry est dingue. Je veux un bête de style que des balles me filent. T'es mal à bête de fil ou les boules défilent. Ici les samedis soirs, joie pas soupir. Embrouille histoire. T'as pas trop fait que ça pique. Putain, je suis rabat. Je sais plus où je me trouve. C'est la loge, les chiottes, la cour ou la douche. Des cheveux longs, des cheveux courts. J'accoste où je cours. Elle est grosse, oh my god. Pas moyen de faire la cour. Le soir s'approche, ça se tape des barres. Ça fume des spars comme si c'était légal. Les gars me serrer des meufs serrer des gars. Et ça, toute la night. Les soirées de samedi soir. Quelquefois samedi soir. Pour quelques billets de sang. Ça part en gilet de sang. Pour les samedis soir, t'écoutes tes gosses. Que ce soit le sexe ou la tête, c'est la steak, c'est moche. Tous ces gars prennent de là, je mets reste des mioches. Putain, tu vois pourquoi je préfère le sinoche. Souvent les samedis soirs, c'est coup de tête des gauches. Que ce soit le check sous la tête, c'est la steak, c'est moche. Tous ces gars prennent de là, je mets reste des mioches. Putain, tu vois pourquoi je préfère le sinoche. Hello sister, je te demande pas ton numéro. On t'a déjà dit que t'étais une beauté numérique. Tu comprends le lingala, beauté ma chérie. Je fais du real hip hop comme les mecs en Amérique. Je suis dans la boîte, j'aperçois manga Whistler. Qu'est-ce qu'elle quand il veste mon cœur. Putain, ça se fait ça. Y'a du arbre à côté, y'a manga le pas. Et on se rend compte qu'on est super loin du Jenna. Un petit pas de black dance, je bouscule une top modèle. Je me dis c'est dead, elle ressemble à mon ex Anna. Et oui, je suis faible, et je suis qu'un homme qui boit des litres pour noyer sa haine. Le soir s'approche, ça se tape des barres. Ça fume des spars comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs serrer des gars. Et ça, toute la night. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir, pour quelques billets de sang, ça part en gilet. Ça fait les 100 pas, tous à la recherche de créatures, en solo ou pas, belle ou pas, guette les filatures. Au début ça trinque, ça serre et frappe des mains. Tout sous rap, tense, bien viscère, ça frappe des points. Wesh DR, mon gars, sûr, oh, bien quoi, poteau. Tranquille, bien. Si, lourd la soirée. Ah, franchement, lourd, franchement. Eh, hey, gros, mais putain, mais ça danse sec là-bas, là, gros. Ah, j'avoue, wesh, glis lui, mon. T'arrives sur la piste, genre en moonwalk. Mais wesh, il est pas un peu trop les moutons. Oh, y'en a qui coûtent au go, y'en a qui coûtent au coup. Putain, je sens que ça va partir en soirée, coûte au coup. Les gars veulent serrer des meufs serrer des gars. Et ça, toute la night. Les soirées de samedi soir. Quelquefois samedi soir. Pour quelques billets de sang. Ça part en gilet de sang. Merci. Me sens abasé. Merci. C'était la section d'assaut pour What By Night sur Radio Padgett dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, partons dès à présent pour Molsheim. Molsheim, qui est le fief de Bugatti. Rien que ça, que faire à Molsheim? Il y a le fort de Mutzig, fait ce qu'est genre William II. Il y a la bruche qui a un canal. Il y a le musée de la Chartreuse et Fondation Bugatti. Il y a l'église des Jésuites, chapelle de la Vierge. Et il y a le Boiler Runner, qui est une entreprise de vin. Partons maintenant à Sarreguemines, et à le Moulin de la Blie, musée des techniques faïencières, musée de la faïence de Sarreguemines, jardin d'hiver, parc archéologique européen de Blisbruck-Reinheim, et aussi le canal des Houlières de la Sarre, et aussi le blocus de Wittring. Maintenant, partons en Autriche avec Falco pour Dark Commissar, sur Radio Padgett dans le Nouvel Explorateur. Verbrenner, es ist nix der Banner, wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's, Radine, dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Falco pour le Dark Commissaire sur votre chaîne et dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, nous allons à Saint-Dié des Jauges. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Il y a la cathédrale de Saint-Dié, la Tour de la Liberté, il y a le musée municipal Pierre Noël, il y a Tralande, il y a la cascade des Molières. Maintenant, partout à Bar-le-Duc, il y a le musée Barrois, église Saint-Étienne et château de Marbeaumont, il y a la Tour de l'Horloge. Et maintenant, il est temps de passer à la prochaine musique de l'émission qui est encore Falco. Mais cette fois-ci, c'est pour Rock Me Amadeus sur Radio Fast Jet dans le Nouvel Explorateur. Ein Punker unterliegt in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, da kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, da kann man Rock Me Amadeus. Es war 1780 und es war in Wien. No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert. Maintenant, nous nous rendons à Nancy, qui est la ville où est installée Radio Fast Jet. Que faire à Nancy? Il y a la place Stanislas, le musée des Beaux-Arts de Nancy qui est aussi sur la place Stanislas. Il y a le musée de l'école de Nancy. Il y a le parking de la parc de la Pépinière, aussi le parc de la Pépinière. Et il y a la basilique Saint-Èvre. Et maintenant, c'est le moment, c'est le trio final, c'est la surprise. C'est Marseille, Lyon, Paris. Allez, et nous commençons maintenant. Pour Marseille, avec une musique marseillaise, c'est DJ Abdel, c'est ma life, c'est Soprano sur Radio Fast Jet dans le Nouvel Explorateur. Allô? Merde, c'est le répondeur. Bon, Abdel, bon, c'est Sopra, je suis devant la gare Saint-Charles, là. Bon, je t'attends, hein. Dès que j'arrive, tu m'envoies un texto, je te récupère direct, que je te fasse visiter ma ville, car Marseille... Bye. y a pas la pluie, mais tu peux y voir un arc-en-ciel. Y a les Comores et le Maghreb, capitale du foot, du funk et des langues paraîtes. L'Italie dans la dégaine, une voiture de l'orque dans les rues d'Espagne le week-end. Du plan d'Ao jusqu'au panier, le langage fait peur à Hortefeuille, pleure en panier. Sur le chantier, c'est la Turquie, dans chaque bloc, tu peux trouver au moins trois familles Mendy. Le samedi, les mamans font des you-you, une pensée pour ceux qui ne font que des yo-yo. Yeah, OM sur le torse, ça danse le mia devant les bars au corps. Je te présente ma magnifique ville, Adèle, car c'est ma life. Et comme vous l'avez deviné, on part maintenant à Marseille. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Marseille ? Il y a Notre-Dame-de-la-Garde, la Canebière, le Vieux-Port, le Mucem et J4, le Vieux-Marseille, l'Abbé de Saint-Victor, l'Hôtel des Villes, la Vieille Charité, la Cité Radieuse de Le Corbusier, le Stade Orange Vélodrome, la Friche de Belmé, le Strac et Peintre, le Château d'If et les îles du Frioul. Mais il y a aussi le fort, les cathédrales, les rives neuves, la préfecture, le palais du Pharo, le palais de la Bourse, le cours Belsens, le palais Longchamp, la rue de la République, les docks, Marseille, bord de mer et la côte sud de Marseille. Et maintenant, partons à Lyon, c'est MJ et André Manoukian pour Chemin de Guagne qui nous accompagnent à Lyon. Maintenant, sur Radio Fatchette dans le Nouvel Explorateur. C'était MJ et André Manoukian pour un extrait de Chemin de Guagne en session acoustique sur le podcast dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, nous partons à Lyon. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Lyon ? Eh bien, à Lyon, je vais vous dire ça maintenant, mais juste après la musique qui est maintenant, qui est Serge Gainsbourg pour le poinçonneur des lilas. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise quand on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je voir briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou et je t'entendrai plus parler de trous. Plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Bravo. C'était Serge Gainsbourg pour le Poinçonneur du Lila en 1959. Et à Lyon, il y a le violon, la basilique Notre-Dame de Fourvières, le parc de la Tête d'Or, Fourvières, la place Bellecour, le musée des Beaux-Arts de Lyon, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le Gnome, le musée des théâtres romains, le musée des Confluences, entre autres. Et maintenant, partons à Paris, mais sans musique. À Paris, il y a la Tour Eiffel, le musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, le Sacré-Cœur, le musée d'Orsay, le château de Versailles, Montmartre. Il y a aussi le jardin des Tuileries, le jardin du Luxembourg, la place de la Concorde, le Moulin Rouge, le centre Pompidou, la Sainte-Chapelle, le Champ de Mars, le quartier latin, le Marais, l'hôtel des Invalides, les catacombes de Paris, la tour Montparnasse, le palais Garnier, l'île de la Cité, le musée Rodin, le Grand Palais, le cimetière du Père-Lassège, le quartier Saint-Germain-des-Prés, le Panthéon, le Pont Neuf, le domaine national du Palais Royal, le pont Alexandre III, le musée de l'Orangerie, la conciergerie, le canal Saint-Martin, la place Basilique, la place des Vosges, le musée national Picasso de Paris, l'île Saint-Louis, la pyramide du Louvre, le bois de Boulogne, le palais du Luxembourg, le musée Grévin, la rue de Rivoli. Et le 14 juillet, qui est dû à votre avis, à quoi est dû le 14 juillet? Eh bien, nous le verrons après la prochaine musique, qui est Bellini pour Samba do Brasil, maintenant sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Vai brilhar quando o monte conquistar. C'était Bellini pour Samba do Brasil sur Radio Fajet dans le Nouvel Espérateur. Alors, la fête nationale française, eh bien, elle commémore deux dates. La prise de la Bastille par les Parisiens révoltés le 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 qui célébrait le premier anniversaire. Elle donne lieu à des manifestations officielles, défilés militaires, prises d'armes et des réjouissances populaires, les feux d'artifice. Donc on peut dire que nous fêtons officiellement le 14 juillet le symbole de la fin de la monarchie absolue et aussi la fête de la Fédération de 1790, symbole de l'union de la nation. Allez, il est temps de vous dire au revoir. J'espère que mon émission a été à hauteur, puisque je suis avec vous depuis presque 1h10. Et je vous souhaite une agréable soirée sur Radio Podjet. Et maintenant, je mets le jingle de mon émission qui arrive dans 3, 2, 1. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire mes émissions. Et je tiens aussi à remercier mes quelques invités, dont une chanteuse et un stagiaire. D'ailleurs, je leur fais des dédicaces. Et je dédicace aussi toutes les tuiles de Retro Fajet. Si vous voulez venir faire une émission de radio ou deux, ou juste assister à une émission, que ça intéresse, j'aurai bientôt un magazine normalement à la rentrée et aussi une exposition sur l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas à la rentrée normalement. Et je vous informe aussi que depuis le début de l'émission je parle avec un masque, donc là ça fait à peu près 1h10 que je porte un masque qui personnellement commence à avoir chaud. Et bon, après